tattoos. Whenever we see a new sight or feel a new sensation, est-ce que vous aimez voyager? Oui, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. Sur cette terre abîmée où nous évoluons chaque jour, libre à chacun et chacune d'apprendre à voir ces étranges créatures, à la beauté diaphane, à la voix ensorceleuse et aux déhanchés dignes de la fièvre du samedi soir. Apprendre à voir, apprendre à écouter, apprendre à danser, en voilà un bon slogan pour l'éducation nationale. Aujourd'hui, les baladeuses font leur dernière de la saison avant de s'en aller écumer les bals, les guinguettes et autres pistes de danse. Que ça soit dans votre cuisine, dans votre salle de bain ou au pied de vos tomates qui poussent, laissez-vous danser, chanter, valser, meumomer, sauter, jongler, bref, vivez. Vous êtes hors d'un sentier battu, vous êtes avec les baladeuses. C'est notre boom du matin, notre spécial danse, notre finale du lac des cygnes. En moins tragique, tout le monde va garder ses plumes. Ce quatrième mercredi de chaque mois, de 10h à 11h30, vous êtes sur Radio Dio. Ce matin, on vous chatouille les orteils avec une invitée de choix, Elisabeth Aspardo, chargée de plein de choses chouettes, dont elle nous parlera au sein de la compagnie Aéro à Saint-Étienne. Évidemment, j'ai envie de me répandre en une longue introduction, il y a tant à dire. Mais je garde un peu de confiture pour plus tard, avec une danse radio-guidée et une petite chronique sur la danse et l'écologie, mes deux amours. Car il s'agit bien d'amour. J'aimerais vous parler de la manière dont la danse m'a ramenée à la vie, comme elle m'a supportée toutes ces années, dans la douleur, la maladie et la joie aussi. Dans cette époque mortifère, il ne faut pas oublier la joie. C'est une joie multiple, la joie de danser avec des personnes qui ont disparu, la joie de danser en amour, la joie de danser alors qu'on pensait ne plus jamais danser, la surprise de se laisser danser, la joie de danser avec son enfant, de danser du n'importe quoi aussi. Ça, c'est très important, le n'importe quoi. La joie d'une danse comme une passeuse, depuis les souvenirs de ballet avec ma mère à ceux que je fabrique avec ma fille, ma petite loutre d'opéra. La joie d'inventer une danse secrète avec celui ou celle qui fait danser le cœur, une danse rien que pour nous, une danse à soi, une danse pour toi. Cette danse, c'est presque un organe puissant, un grand liant du corps et de l'esprit, un générateur de souvenirs, une capsule pour le futur, un remède à la douleur, une arme féministe, écologique, politique. C'est de tout cela que nous parlerons nos micro-trottoirs du jour, rebaptisé micro-terrasse, comme quoi faut toujours avoir une poétesse dans l'équipe. Danser, danser, sinon nous sommes perdus, disait la grande Pina Bausch. Une autre grande dame, Anna Alprin, nous rejoindra tout à l'heure. Une femme époustouflante avec qui j'aurais aimé préparer une petite salade avant de la déguster sur le deck, ce grand plateau à ciel ouvert au cœur des séquoias sur la côte ouest des États-Unis. Une femme qui a plongé dans la puissance de la danse jusqu'à son dernier souffle à 101 ans. Amazing. Le rapport au lieu et à l'écosystème est déterminant dans l'organicité du geste, ou pour le dire avec les mots d'Anna Alprin, chaque arbre, vol d'oiseau ou bruissement de biche, chaque sensation du vent ou son d'une corne de brume recèle le souvenir d'une danse née en ce lieu. Mon existence et mon travail sont indissociables des rythmes de cette terre, de ses changements et de ses subtiles évolutions. Aujourd'hui, les femmes parlent aux femmes et aux hommes aussi. Nous aurons une invitée de choix au téléphone qui nous parlera de sa rencontre avec Anna Alprin et nous changerons de place. Nous écouterons aussi comment la danse des années 60 est tellement liée à la chanson. On finira sans tabou avec notre danse radio-guidée qui nous fera expérimenter notre propre mort, une leçon de vie et d'humilité que peut aussi nous transmettre la danse dans une forme que l'on nomme les pratiques somatiques, l'endroit où, avec le corps du jour, on expérimente. Danser, dans son étymologie indo-européenne, ça veut dire relier. Relier les êtres vivants, les humains et aussi ceux et celles que je nomme plus qu'humains. J'aimerais vous raconter comment on peut danser avec les baleines tout en étant à Saint-Étienne, se relier avec des arbres dans le Pilat ou à Paris, expérimenter des danses de champignons. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il, est-ce que vous connaissez une chose aussi belle et puissante que se relier ? Les Trump, les Poutine, les Macron et autres despotes n'ont qu'à bien se tenir. Tant qu'il y a de la danse, il y a de l'espoir. La danse, c'est parfois aussi des partenaires de danse, des sympas, des drôles, des qui comptent, des qui font comme ils veulent, des qui vous expliquent la vie. Il faut bien choisir son ou sa partenaire parce qu'on ne sait jamais combien de temps va durer la danse. Parfois, c'est tellement court et parfois, ça n'en finit plus. Mon conseil pour l'été ? Privilégier la joie, choisir avec amour, ne pas se laisser embarquer par le gars qui... Enfin, éviter les red flags, quoi. Ne pas oublier que la danse, c'est aussi entre vous et vous-même. C'est si bon une bonne chorégraphie dans sa cuisine entre deux courgettes et trois aubergines. Alors Juliette, acceptez-vous de prendre la danse en compagnonnage ? Promettez-vous de l'aimer dans le bonheur et les épreuves, de vous laisser réconforter par elle, de l'honorer sur le dance floor, de lui être fidèle aussi longtemps que vous vivez ? Oui, je le veux. Alors un petit souvenir de danse, alors pour moi c'est un gros souvenir de danse, parce que j'avais une amie très chère, une amie d'enfance, qui faisait de la danse africaine, parce qu'elle était aussi ethnologue et ethnologue spécialisée dans l'Afrique. Alors c'est très grand, c'est très vaste, mais c'est ça qui lui a fait découvrir la danse africaine, et je l'ai découverte à travers elle. Et quand elle est partie, quand elle a disparu de la surface de la Terre, eh bien j'ai pris sa suite. Et moi-même, j'ai rencontré des compagnies de danse africaine et j'ai eu envie, à travers les danses, de continuer une partie de la vie de cette amie. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world. We'll be right back. Et c'est très important de s'échauffer avant de danser. Alors voilà, je pense que vous avez tous reconnu ce tube emblématique. Et on va continuer, j'espère que vous êtes chaud ce matin. On va continuer avec des petits enregistrements et Sophia qui va nous parler d'un peu loin. Les baladeuses. Alors, Sophia n'est pas avec nous dans le studio. Elle ne peut pas mouliner des bras dans tous les sens sur la musique de Flashdance. Elle est à Catapulco, quelque part loin, loin, dans le nord de la France, où elle s'amuse avec plein d'autres camarades. Et on espère bien qu'elle danse. Mais elle nous a écrit un petit texte que nous allons diffuser à l'instant. Une danse du silence. Ce qui se passe, c'est que comme ma douche à moi, elle est cassée. Et puis que, dans le studio de Radio Duo, franchement, là, je suis pas contente parce qu'avec leurs travaux, là, bah, ils m'ont toujours pas remis de douche. Du coup, bah, j'ai été obligé d'aller prendre la douche chez une voisine. Voilà. Franchement, j'en ai marre. Alors, pour faire ma rubrique, je fais ma rubrique chez la voisine, sous la douche de la voisine. Voilà. Ils étaient là. Ils étaient trois. Trois à table, à la terrasse, assourdis par la musique en fait. Muets dans leur silence. Silence qu'ils avaient sorti de chez eux, qu'ils ont trimballé dans la bagnole, avant de le poser sur les trois chaises de cette terrasse, sur cette place de la fête de la musique. Ils étaient là, tous les trois. Le père, la mère, le fils, et leur silence qu'ils remplissaient avec leur téléphone qui les absorbait. Alors que dehors, la musique chantait tout autour de leur silence. Malheureux. Ce silence fermé par le téléphone, avec cette table, et par ces chaises tout autour de la table. Fermés dans le silence de leur tête, qui ne disaient rien à la main, qui ne disaient rien. Fermés dans le silence de leur tête, qui ne disaient rien à la femme, ni à l'homme, ni à l'enfant. Leur tête ne disait rien, ni à l'une, ni à l'autre, mais leurs mains non plus, ou leurs bras, ou leurs hanches non plus, ou leurs pieds, ou leurs cuisses non plus. Rien ne disait rien. Immobile, muet au milieu de la foule en fête et en musique. Et tout à coup, ils se sont levés. Le père, la mère, le fils. Et je les ai vus. J'ai vu leur corps se mettre en marche, raide et mécanique, le dos brisé en deux par une tête lourde et pesante. Une tête qui semblait s'alourdir à mesure qu'ils s'éloignaient, tant et si bien que le poids finit par entraîner le reste du corps au sol. Et j'ai vu leurs bras raides qui tentaient vainement de faire avancer ce corps qui lentement s'enfonçait dans le sol. Écoutez les baladeuses. Oui, c'est mon premier souvenir de danse. J'ai regardé. C'était lors de mon premier stage dans une compagnie de danse contemporaine en Italie, à Florence. Je connaissais rien de la danse et surtout de la danse contemporaine. Et lors de ces stages, j'avais la chance d'être à côté de la salle de répétition où la compagnie répétait. Et ma tutrice m'a dit, va voir un peu les répétitions, va voir le travail en cours. Et donc là, il y avait justement la chorégraphe avec deux danseurs, danseuses en train de répéter. Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert un peu la danse autre que ce qu'on peut voir à la télé, la danse contemporaine. Et à ce moment-là, en fait, l'image que j'ai, c'est de cette salle où il y avait le tapis de danse. En fait, c'était une ex-église qui a été aménagée pour être une salle de répétition pour cette compagnie. Et il faisait aussi de dojo. Et il y avait cette danseuse qui traînait sur ses épaules une table. Et puis j'ai pu suivre un peu toute la répétition ce matin-là. Et j'étais vraiment époustouflée. C'était la première fois que je voyais vraiment quelque chose de si près, que j'arrivais à sentir vraiment ce que la danse peut dégager au-delà de, on va dire, de la mise en scène, de la représentation même. Merci Elisabetta. Elisabetta Spadaro, on t'écoutera tout à l'heure nous raconter tes différentes activités au sein du lieu qui s'appelle le Magasin Saint-Étienne, mais également toutes tes autres activités, j'imagine, qui sont très nombreuses. À tout à l'heure, du coup. Et voilà, on va enchaîner avec une petite interview d'une personne rencontrée au hasard des rues, et plutôt au hasard d'une terrasse, vers la place Jean Jaurès, dans un café, un mercredi matin autour de 10h. Et j'ai abordé les passants en leur disant « Mais vous êtes un danseur, vous êtes une danseuse. » Quelques-uns ont pris le temps de s'arrêter vers moi et de répondre à quelques questions qui ont été imaginées par Sophia. Je vous les dirai tout à l'heure. Je suis géorgienne. Oui. C'est un pays entre Europe et Asie. C'est un magnifique pays, vraiment. Et il est très bon. Et le danse, c'est excellent. On a, il y a un ensemble qui s'appelle Surichwilebi. Là-bas danse ma cousine. C'est vraiment incroyable. C'est danse. Et comment elles sont, excellent. Ces danses? Moi. Pardon? C'est des danses qui sont comment? Le groupe? Le groupe, oui. D'accord. Il y a le groupe, oui. Vous pouvez voir sur internet, sur Surichwilebi, ça s'appelle comme ça. Vous pouvez voir. D'accord. Ok. Et alors, si vous voulez répondre à une question que j'ai préparée là, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez envoyer valser? Vous savez ce que c'est que la valse? Oui, mais je ne danse pas. j'aime trop, mais pour moi, c'est un peu compliqué parce que je n'arrive pas à faire la danse. D'accord. Et les danses de votre pays, vous y arrivez? Un petit peu, et par contre, mon fils, il a pris petit à petit parce que sur Saint-Étienne aussi, il y a une dame qui fait le danse, qui prend les enfants géorgiennes. Et mon fils, il a pris cette danse. Il a commencé pas trop longtemps, mais il l'a déjà fait. Super. Ah, ok. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Votre merci. Prénom, c'est... Je m'appelle Elisa. Elisa. Oui. Ah, merci, Elisa. Merci, bonne journée à vous. Merci. Et maintenant, Nicole, qui nous a fait le plaisir de nous parler de la danse dans les années 60, plutôt à Saint-Étienne, et dans la campagne également, vous allez voir. Je suis née en 1947 à Saint-Étienne, dans une famille d'origine ouvrière, avec une partie de la famille qui était d'origine espagnole. Très tôt, j'ai connu des fêtes de famille où l'on chantait et où l'on dansait, enfant. Et c'était quelque chose que j'adorais. Mes parents étaient des grands danseurs. Ils avaient fréquenté les bals. Ils étaient de bons valseurs. Ils dansaient le tango à merveille. Et parfois, il leur arrivait de danser avec la radio. Et avec ma sœur, on a appris comme ça. Autour de la table de la salle à manger, mon père ou ma mère nous faisaient valser ou danser un tango, une java. Donc la danse était quelque chose de pas permanent, mais très présent dans la famille. Les loisirs, ça a commencé quand j'ai eu 15 ans, 15-16 ans. J'avais des cousins qui aimaient beaucoup les dancing. À Saint-Étienne, on parlait à cette époque-là de dancing. Et je me souviens d'une ou deux fois être allée avec eux, c'était des cousins plus âgés, en haut du rond-point. Il y avait un dancing très joli, et où l'on dansait des danses françaises, de la valse, du tango, de la java, etc. Et c'était extrêmement joyeux. Alors je les accompagnais, je ne me souviens plus de ce que ça coûtait, mais apparemment ça n'était pas excessivement cher, et c'était extrêmement populaire. Il y avait aussi les bals de quartier. Il m'est arrivé d'y aller quand à Côte-Chaude, toujours avec mes cousins et cousines. Et en grandissant, sont arrivées les surprise parties. Et donc, lors d'un anniversaire ou d'une occasion, eh ben, on était invités chez les amis. Et évidemment, on dansait avec des disques venus d'ailleurs. Et je me souviens par exemple de Polanka. Alors ça parle peut-être pas à grand monde, mais il avait des slows absolument magnifiques qui permettaient évidemment quelques contacts très serrés. Et c'était la découverte aussi de notre libido, on va dire. J'ai peu fréquenté après... Les bals, je les ai connus aussi à la campagne. Et j'adorais ça, les bals de fête du village, puisque je passais mes vacances à Noiretable, dans le Haut-Forêt. Et là, je fréquentais les bals, et c'était encore... Il y avait le rock'n'roll, le twist, évidemment, les valses. Toutes les danses étaient acceptées. Il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire, on pouvait passer du rock à la valse sans problème. Alors, il n'y avait pas d'impression, alors que dans les surprise parties, c'est vrai que c'était plutôt du rock, des slow et de la musique américaine avec Elvis Presley. Et sont arrivés dans les années 65 en France les Beatles, et puis plus tard les Rolling Stones, et là c'était, on s'éclatait. J'ai été très peu dans les boîtes de nuit. J'ai eu une relation assez courte avec un jeune homme de Saint-Étienne qui, lui, fréquentait les boîtes de nuit. Et il y avait une boîte de nuit dont je me souviens, puisque je n'ai plus vécu à Saint-Étienne après mes 21 ans, qui s'appelait le Whisky Club, et qui était dans une rue qui partait de la place Jean Jaurès. Et je ne me souviens plus du nom de la rue. Et j'y suis allée quelques fois avec lui. Alors c'était une autre ambiance, feutrée, avec beaucoup de moquettes, un petit peu claustrophobe pour moi. Je me sentais, oui, pas très à l'aise dans ce genre de lieu. C'était un peu fermé. Et donc, il y avait de la musique, d'ambiance, et surtout de la musique à la mode, des slows. Mais ce n'était pas des lieux aussi festifs que ceux que j'aimais, comme les bals ou les fêtes de famille. Et c'est de ça dont je suis nostalgique. Parce que maintenant, je ne vais plus dans les bals. Et il m'arrive rarement de danser, alors que j'ai beaucoup dansé. Alors, c'était quelque chose qui se faisait très facilement dès qu'on était entre amis. La moindre fête, où que ce soit, était l'occasion de danser énormément. Et c'est terminé maintenant, mais j'y repense. Et tu as beaucoup chanté aussi. Oui, c'est vrai, on a beaucoup chanté, puisque du côté paternel, donc cette famille espagnole, il y avait d'excellents chanteurs, et chacun, lors des fêtes de famille, avait sa chanson. Donc ça nous est ricané, nous les jeunes et adolescents de la famille, et en même temps c'était superbe. Et ça m'a donné ce goût de la chanson. Et très jeune, j'ai été très attirée par les chansons qu'on disait à texte. Et avec deux copains, on a beaucoup chanté, Ferré. Et il y avait un lieu aussi, quand j'ai rencontré mon mari, où on allait à Saint-Étienne, qui était un petit café, pas loin de la poste, dans les petites rues de Saint-Étienne, qui s'appelait Le Pichet, qui était un lieu assez extraordinaire, avec des patrons atypiques, qu'on appelait le baron et la baronne. Et donc c'était dans les années 66-67, et il y avait dans ces quartiers des prostituées qui faisaient le tapin le soir. Nous, on était très jeunes, et elles venaient boire leur coup. Et comme on chantait beaucoup, on était un groupe d'une dizaine ou une douzaine, on chantait beaucoup Brassens, avec un garçon qui nous entraînait, qui avait sa guitare et qui s'appelait Alain Meillon, qui plus tard est parti à Bourges d'ailleurs. Et elles nous demandaient de leur chanter des chansons de Brassens, et surtout, bien que c'est... Alors je me souviens plus bien les paroles, mais elles adoraient les chansons grivoises et qui défendent les prostituées de Brassens. Voilà, et on a chanté Brel, Brassens, et plus de manière intime, moi j'aimais énormément Anne Sylvestre, que peu de gens écoutaient à l'époque, et je l'ai découverte à travers des chansons absolument merveilleuses, qui étaient déjà engagées sur les femmes, une sorcière comme les autres, par exemple, J'aime les gens qui doutent, et toutes ces chansons, je les chantais, et quand elle a commencé à faire des chansons pour enfants, ben j'ai chanté ces chansons à mes enfants. Et à la maison, on écoutait beaucoup de chansons. Et mes deux enfants ont été bercés par Brassens, Brel, Anne Sylvestre, Barbara. Et je pense que ça leur a... que ça a été quelque chose de fort pour eux. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolle, parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolle. Y a des clients, y a des salauds, y a des clients, y a des salauds, qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau, faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elle fasse l'amour, bien que toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Les baladeuses. La complainte des filles de joie de Brassens, c'était ce titre que tu cherchais, Nicole. Alors on est parti avec toi 60 ans en arrière, le Whisky Club et sa moquette. On est parti au Pichet également, rue Martyr de Vingré ou dans une petite rue adjacente. Est-ce que c'était ce pub maintenant qu'on appelle le Smoking Dog? Est-ce que c'était encore un autre? On ne saura pas. Mais ce qui s'y passait était plutôt réjouissant. Et il y passait également Lavilliers, il y passait Orlan, qui rentrait, poussait une petite chanson et repartait. Et on vous imagine tous les 12 autour des tables, dans ce lieu enfumé, en train de chanter du Ferré et du Brel. Et merci Nicole d'avoir transmis ça également à tes enfants, dont je fais partie. Spéciale dédicace donc. Voilà, alors on a une invitée que Julie a introduite tout à l'heure. Il s'agit d'Anna Halprin, qui est une chorégraphe américaine. Alors elle m'a dit tout à l'heure qu'elle voulait un échafaudage ou un filet de pêche. Mais on n'a pas ça, Julie, non? Non, on n'a pas ça. Il va falloir faire ça. Hein. Ouais, filet de pêche, bon. Bon, elle est partie à Kiloutou, elle n'a rien trouvé qui lui convienne. Alors maintenant, elle est en train de danser, mais alors en très petite tenue. Ah oui, en très très petite tenue, là. Oui, sur la terrasse de Radio Dio. Il faut rentrer maintenant. Elle crie « This is an amazing space !» Mais Anna, oh là là, c'est californienne. Ah, là voilà. Installez-vous, Anna Halprin, je vous en prie. Ah oui, la palette, là, vous êtes sûre? Bon, d'accord, écoutez, comme vous voulez. Alors, vous êtes née en 1920 et vous êtes décédée en 2021, c'est-à-dire à presque 101 ans, plus de 80 ans de danse, alors. Ah oui, parce que votre mère déjà s'étonnait que vous ne gardiez dans votre chambre d'ado qu'un matelas. Vous aviez de cette façon plus d'espace pour danser, ben, en effet, oui. Vous vous destinez à une carrière professionnelle parmi les chorégraphes de la moderne danse, Martha Graham, Doris Humphrey, par exemple. Originaire de Chicago, mais de parents juifs russes qui avaient fui les pogroms. Vous souhaitez rentrer au Bennington College, où enseignent les plus grands danseurs, mais les quotas d'étudiants juifs sont remplis. Et vous n'avez d'autre choix que d'entrer à l'université du Wisconsin, qui abrite le premier département de danse dans une fac. C'est Margaret Dobler, votre professeure, qui l'a créée. Elle sera votre professeure de danse, mais également d'anatomie. Rien de mieux pour connaître le fonctionnement d'un mouvement que de le voir en vrai, sur un autre corps, mort. Et c'est ce que vous faites pendant près d'une année, vous disséquez des corps humains. On ne fait pas les choses à moitié avec Margaret, hein, cette ancienne biologiste. On est matérialiste ou on ne l'est pas. Il faut ce qu'il faut pour comprendre l'anatomie humaine et tous les éléments permettant le mouvement. Cet apprentissage va avoir des répercussions sur votre conception de la danse. C'est ce retour aux sources, en quelque sorte, ce retour au mouvement qui va animer tout votre travail dorénavant. Comment faire des mouvements naturels? Comment danser naturellement? Comment faire surgir la créativité des personnes par le mouvement? Si je ne peux pas danser, je ne peux pas prendre part à votre révolution, disait Emma Goldman. Tout de suite après la guerre, vous vous installez avec votre mari, Laurence Halprin, architecte et paysagiste, rencontré pendant vos études au nord de la Californie, au bord du Pacifique. Vous quittez tout, New York, une carrière, les danseurs de la moderne danse. D'autres inspirations sont en train de prendre le devant de la scène. Les artistes du Bauhaus, exilés aux États-Unis, la nature, considérer les humains sans dichotomie entre les performeurs et les regardeurs. À la fin des années 40, bon nombre d'artistes cherchent à créer un nouveau sens à travers leurs pratiques. La guerre, ses batailles et ses massacres ayant tout pulvérisé. Certains posent leur instrument de musique et vont se mettre à l'écoute des sons quotidiens, d'autres renoncent à leurs pinceaux. Vous, vous laissez tomber artifices et carcans. Vous vous intéressez aux gestes quotidiens, jusqu'à présent considérés comme trop triviaux pour être dansés, comme manger, balayer, bailler par exemple. Vous avez même fait une performance autour du simple geste de s'habiller et de se déshabiller, qui aura été interdit pendant plus de 30 ans aux États-Unis. Parades and Changes. Ces mouvements du quotidien, ils vont servir à alimenter le travail d'improvisation du Dancers Workshop, votre compagnie, l'atelier du danseur, qui n'accueille pas que des danseurs, mais également des plasticiens, des photographes, des musiciens, des comédiens. En fait, tout ce que comptent d'artistes d'avant-garde l'Amérique sont passés un jour ou l'autre par votre atelier. Ce qui compte, c'est mettre à plat ce qui empêche, ce qui retient, et créer du nouveau, en tous les cas de l'authentique, c'est-à-dire ce qui est significatif pour un individu, ici et maintenant, dans tous les aspects, physique, mental, émotionnel et spirituel. Tout est matière, matériaux. Encore faut-il quelques outils de base pour déclencher et approfondir le processus de création, pour ne pas se répéter et être un tant soit peu guidé, comme la partition, que vous appelez score, selon un protocole pour développer le processus des créations que vous empruntez aux architectes et que vous adaptez pour la danse. Dans cette perspective, pas de représentation, pas de spectacle, et donc adieu scène, théâtre, rideau, entre public et danseurs, et bienvenue au chantier, au parking, à l'arrêt de bus, et bien sûr, à la rue. Vous commencez à sortir de Sea Ranch avec les danseurs et danseuses de la compagnie pour faire ce qu'on appellera plus tard « happening » et que vous appelez « event ». On mettait tout à vue, tout. La scène était entièrement dégagée, sans rideaux ni pendrillons. Les sources de lumière étaient totalement apparentes. On faisait des mouvements de tous les jours reconnaissables par chacun. La contestation vis-à-vis de ce que l'on faisait nous a amené à créer des structures pour faire jouer le public. En 1957, vous vous servez de la structure métallique d'un hangar d'aéroport pour danser. Et en 1967, vous êtes appelé à travailler à Los Angeles, dans le quartier de Watts, après les émeutes. Vous travaillez pendant un an entier avec deux groupes, un avec des danseurs et danseuses noires, l'autre avec les blancs, uniquement. Chaque groupe travaille les improvisations selon le même déroulement. Et vient le temps de la rencontre entre les deux groupes. 10 jours intenses, jusqu'à ce que le groupe ne fasse qu'un. Vous vous disiez tous ensemble « Si on n'est pas nous-mêmes capables de surmonter nos différences et de résoudre nos problèmes, comment est-ce que le reste du monde peut y arriver ? Il faut y arriver et montrer que c'est possible. Le jour de la représentation, c'était comme si on se disait « Vous voyez, on peut le faire, on peut vivre autrement. » D'ailleurs, on l'a fait. Des amitiés durables se sont nouées et il y a eu un mariage mixte. Eh oui, tous ces happenings étaient provocants et faisaient réfléchir, mais aussi très fortement réagir. D'ailleurs, vous avez monté la première compagnie multiculturelle. En plus des Noirs, il y a eu des Asiatiques, il y a eu des Latinos, etc., etc. Et ça, au début des années 60. Alors, ces happenings provoquaient, par exemple, City Dance, qui s'est déroulé du lever au coucher du soleil dans toute la ville de San Francisco, dans le métro, dans les parcs, les places publiques. Une longue procession qui va faire converger plus de 1000 personnes. En fait, ce sont toujours ces deux pôles de la danse, de la vie, qui vous intéressent. Le singulier et le collectif, qui demeurent dans un balancier sans fin. Le plus singulier, pour chacun, c'est sa confrontation à la mort. Et c'est le collectif qui soutient. Vous l'avez vécu dans votre chair en survivant à un cancer dans les années 70. C'est le pari que vous faites en vous impliquant dans des groupes composés de malades du sida. Dancing with life on the line. Danser quand la vie ne tient qu'à un fil. Réunissant à la fin des années 80 une centaine de danseurs, dont une quarantaine séropositifs. Cette expérience est l'une des plus fortes que vous avez vécues, car elle a produit de la transformation. Elle a changé le regard sur la maladie. Elle a changé le regard que chacun porte sur soi. Le plus grand problème pour moi est de me confronter à des problèmes de façon authentique, tout en créant des partitions susceptibles de faire fortement appel à la créativité des danseurs. Je veux que les problèmes sociaux trouvent une expression nourrie par l'imaginaire et qui soit ce que j'appelle de l'art de qualité. J'attache énormément d'importance au fait que quand je traite une question sociale, cet aspect ne doit pas complètement masquer la dimension artistique. Oui, une réflexion qui peut servir à nourrir les nôtres autour de l'animation et du rôle social de l'artiste. Enfin, je dis ça. Anna ? Anna Alprine ? Je peux vous appeler Anna ? Yes, nous allons continuer. Le mouvement a la capacité de nous rapprocher de notre âme, ce monde intérieur pour lequel il n'y a pas de nom. Le mouvement touche notre nature profonde et la danse l'exprime au moyen de la création. Par la danse, on peut découvrir le mystère de nos vies intérieures. Quand elle vient de l'intérieur et qu'elle est habitée du désir de créer un changement personnel, la danse a le pouvoir de guérir le corps, la psyché et l'âme. Notre voyage à travers la maladie et le pouvoir de la danse pour illuminer ce chemin est un aspect passionnant de l'œuvre de ma vie. Une petite chronique autour de la personnalité du travail de Anna Alprin, qui a été basée sur les lectures de son livre qui s'appelle Mouvement de vie, et également des documentaires, entre autres Le souffle de la vie qui a été projeté au Méliès il y a quelques années et qu'on trouve à la bibliothèque de l'ESAD, donc l'école de design, la bibliothèque de l'école du design. Voilà, et également sur Numéridance, on peut découvrir le film en entier d'Alain Buffard qui s'appelle A Lunch, My Lunch with Anna. Et je conseille à tous d'y aller faire un tour. On vous balade, on vous éclaire, on vous caresse le cerveau et le cœur. Vous écoutez les baladeuses. On va entendre Nathalie Chazot. Nathalie est une danseuse qui a eu la chance extraordinaire de pouvoir suivre des ateliers et une formation même par Anna Alprin et par sa fille. Voilà, donc on écoute Nathalie Chazot qui... Voilà, on a enregistré cet entretien téléphonique parce qu'elle est sur Lyon et qu'on a des petits problèmes encore avec la diffusion du direct et du téléphone sur Radio Dio. Mais ça va se réparer. Et voilà, donc un spécial danse qu'on a imaginé avec les baladeuses pour Radio Dio, donc ce mercredi. Mmh. Et voilà, c'est parce que moi j'ai rencontré Anna Alprin, alors complètement par hasard dans mes recherches, dans mes vagabondages plutôt sur les étagères de bibliothèque, et je suis tombée sur elle et surtout sur son Le souffle de la vie, le documentaire. Oui. Voilà. Mmh. Et on a eu la chance à Saint-Étienne, on s'est rappelé avec des personnes à qui j'ai parlé de ce projet de rubrique autour d'Anna Alprin, qu'elle avait été interviewée en visioconférence par le Méliès, qui est le cinéma art et essai de Saint-Étienne. Et après, c'était après, en fait, la diffusion du souffle de la vie. Super. Ouais, c'était super parce que du coup, ça a fait rencontrer Anna Alprin à plein de gens. Et voilà, et grâce à Benoît Cancoin, donc, qui est contrebassiste et qui a été d'ailleurs invité à l'émission précédente qu'on a appelée Relecture, m'a passé ton contact en me disant, mais voilà, je connais quelqu'un qui a participé à des formations, à des stages avec Anna Alprin herself. Et voilà, c'est pour ça. Tu m'as dit rapidement, c'était à quelle période dans les années 2010, c'est ça, non? Je l'ai rencontrée plusieurs fois, mais aux États-Unis en 2009 et en 2017. En 2009, c'était ses ateliers qu'elle donnait le mardi soir et le jeudi matin à l'époque. Et en 2017, c'était dans le cadre de sa formation qu'elle a co-créée avec sa fille de praticien en Life Art Process. Praticien, vas-y, et après, t'as dit quoi? En Life Art Process, processus art-vie. Alors, est-ce que tu peux dire un mot de ça? Parce que moi, je l'ai vu dans des livres, mais peut-être que tout le monde n'est pas très au courant de quoi il s'agit exactement. Alors, le processus art-vie, dans ma compréhension, c'est comment l'art et la vie vont dialoguer et que l'idée, ce n'est pas de dédier complètement sa vie à son art, mais comment son art va renseigner, va venir insuffler une créativité au niveau de la vie et du coup, d'amener ces questions de vie dans le studio. D'accord. Donc, voilà. Des questions de vie, c'est-à-dire peut-être des problèmes personnels, c'est ça? Ça peut être son histoire de vie, ça peut être des questions, ça peut être ça peut être des épreuves, ça peut être qu'on traverse les uns les unes, des questionnements, et qu'on en soit conscient ou pas, c'est ça qui est aussi intéressant. D'accord. C'est-à-dire que ça peut être vraiment des choses du réel, de maintenant qui nous intéressent, mais aussi, bah, je sais pas, il y a quelque chose qui m'intéresse d'aller chercher et puis de voir comment son art va pouvoir, que ce soit le mouvement, la danse ou le dessin et l'écriture, va venir révéler quelque chose qui était silencieux au fond. D'accord. Okay, super. Et puis aussi, ouais, et aussi comment ramener dans le quotidien de l'artistique aussi, ça c'était très important pour elle. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ces différents ateliers auxquels tu as participé ? Oh bah, j'ai trouvé que c'était c'était très émouvant parce que c'est quelqu'un qui était branché sur le présent avec une énorme curiosité pour les gens et pour ce qui s'y passait. Toujours dans le vivant, avoir une immense curiosité à dire « Ah bah tiens, je vais aller explorer ça » ou « Tiens, ça m'intéresse. Ah oui, toi, tu fonctionnes comme ça. C'est quoi ce mouvement ?» Donc déjà, ça met, je trouve, en appétit et en présence et en désir d'aller chercher, voilà, d'être en quête de chercher. Donc hyper et stimulant, puis, quoi, quelque part. C'est très stimulant, très, très inspirant parce que t'es à... en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai l'impression d'être à 100% présente, ce qui n'est pas évident. Est-ce que c'est peut-être un titre, ou, je ne sais pas, une expression qu'on pourrait donner à ce qu'est la danse, c'est-à-dire être au maximum présent ? Oui, en tout cas, oui, quelque chose comme ça, d'être vraiment présente. Et pas que présent physiquement et décalé de ses émotions et de son imaginaire, mais vraiment présent sur qu'est-ce qui se passe émotionnellement, qu'est-ce qui se passe physiquement, qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire, et dans la relation avec soit l'espace, soit avec d'autres personnes. Donc, et ça, c'est fort. Ok. Et alors, comment ça t'a inspiré, toi, dans ton travail propre ? Alors, moi, dans mon travail propre, c'était... quand je suis allée faire cette formation en 2017, j'étais en crise de sens par rapport au métier de danseuse. Et ça m'a permis de rétablir un désir autour de la question de danser. J'étais tellement prise par les contraintes de danseuse que j'avais oublié que le plus important pour moi, c'était de danser d'abord. Ça, et puis ensuite ce que ça m'a apporté, c'est ça ta question? Oui, tout à fait. Ce que ça m'a apporté, c'est une permission et une autorisation à chercher avec le mouvement, le dessin et l'écriture, et de vraiment faire confiance au processus. Et j'ai beaucoup appris à ce niveau-là de faire confiance que mon corps est plus intelligent que ce que j'imagine, que mon mental, et que va émerger ce qui a besoin d'émerger pour moi, et puis ce que je peux offrir aussi à d'autres personnes. Beaucoup de joie aussi, vraiment une autorisation à explorer, quoi. Donc ça, c'est ce que ça m'a apporté. Et puis aussi, moi qui suis plutôt du milieu de l'improvisation, ça m'a permis de trouver un axe, une structure et une confiance dans ce qu'est l'improvisation. Et de faire confiance aussi à ce... Et que c'est un vrai... c'est une vraie prise de parole artistique. C'est ça que ça m'a apporté. Ouais, énorme. Je pense, tu sais, à My Lunch with Anna de Alain Buffard. Ouais. Où lui aussi a participé à des ateliers avec elle, alors qu'il, voilà, il avait renoncé à la danse. Après, c'était pour des raisons médicales, mais ça lui a redonné aussi l'envie de danser, quoi. Donc, c'est... Oui, je crois qu'elle est tellement, elle était tellement à autoriser, à dire, mais rebranche-toi sur ton vivant et danser, ça peut prendre plein de formes, en fait. Voilà. Ok, super. Et bah, dernière chose, avant qu'on arrête la conversation, peut-être tu as quelque chose à dire sur tes dernières créations ou ce que tu fais en ce moment, comme tu as envie. Alors moi, j'ai une double activité, notamment grâce à mon parcours à l'école de Tamalpa, c'est que je reçois en individuel des personnes, des adultes, parfois des jeunes adultes que j'accompagne avec ces outils pour les soutenir dans leur cheminement sur justement leurs questions de vie. Donc je reçois en cabinet en libéral. Et puis dans mon activité artistique en ce moment, je suis beaucoup sur des questions de, enfin dans une forme de continuité sur des créations de in situ. Donc comment écrire, improviser pour un lieu dédié, que ce soit dans une forme de répétition, plusieurs jours de représentation, ou pour un one shot, et vraiment être à l'écoute du lieu comme un partenaire de jeu. Alors merci Nathalie et Juliette pour cet entretien et je vous invite à guetter les stages et les workshops avec Nathalie Chazot. Vraiment, c'est un très grand bonheur. Et tout de suite, on va écouter Métro Madeleine, le choix musical de notre invitée Elisabetta qui est toujours avec nous dans les studios de Radio Dio. Petite dédicace donc pour cette chanson de Marcille. C'est parti, on écoute ça. Les yeux ouverts, le cœur fermé, je fais comme si j'attendais. Que les portes s'ouvrent et que j'inspire comme si t'arrivais. Dans le silence, je vois bien ce gars devant à tout comprendre. Que je passe le temps dans un métro pour fixer la pluie. Un peu ghosté, un peu fleur bleue, je sais pas vraiment où je vais. Métro, mégot, bado, à jour, on dit, on se refait. Je viens de comprendre enfin ce soir, t'es sorti des mal. Et je voudrais me perdre quelque part. Je veux pas rentrer dans un soir. Nulle part, j'entends comme du ça. Je veux pas rentrer dans un soir. Nulle part, je lis nos textos sur du saxo. Quand je lis tes mots, le sel est de cuivre, la décache l'odeur de ton cou. Celle qui me suit quand tu me suis, je la sens, c'est surtout dans les plus de nos droits où la nuit nous a réchauffés. Amant fantôme, vente au chami, ami éloigné. Je me souviens de l'avenir, de son meilleur ou son pire. Qu'on se transpire, j'avais rêvé de nous deux. De nous deux. Oh, je veux pas rentrer dans un soir. Nulle part, j'entends comme du saxo. Quand je lis tes mots. Je veux pas rentrer dans un soir. Je pense à toi. Je manque de toi. Je veux pas rentrer dans un soir. Oui, Elisabetta qui est avec nous depuis le début de l'émission. Alors Elisabetta, ça va ? Ça va, oui. Première expérience à la radio, on découvre. Ouais, chouette, on est très très très contente de t'avoir avec nous. Merci. Ouais, et est-ce que, voilà, quel est ton lien avec la danse comme ça en général et peut-être en particulier ? Mon lien avec la danse est professionnel parce que je travaille avec la compagnie Héro à Saint-Étienne du chorégraphe Mathieu Héro. Et je m'occupe de la diffusion et du développement de la compagnie. Et je suis également à la coordination du magasin, laboratoire de permanence chorégraphique à Saint-Étienne, qui est le lieu de la compagnie et qui est... C'est un projet initié par Mathieu Héro en 2017, suite à une performance invisible, comme il aime l'appeler. Il s'est baladé dans le centre-ville de Saint-Étienne pour plusieurs jours. Et ensuite, il a cartographié toutes les vitrines vides qui sont présentes dans le centre-ville de santé. Et c'est énorme. Il y en a énormément. Oui, ouais. Oui. Mmh. On parle vraiment de centaines de vitrines commerciales déshabitées. Et je ne sais pas si on dit ça comme ça en français. Ouais, mais ça marche. Allez. Et donc l'idée, c'était effectivement d'investir une de ces vitrines avec plutôt un projet culturel. Avec l'idée de proposer aux habitants de l'art en proximité. Et donc, concrètement, le magasin est un lieu à la fois de résidence, de recherche pour les artistes, que ce soit des chorégraphes, des danseurs, mais aussi des plasticiens, des architectes, toute discipline est bien sûr bienvenue. Et l'idée, c'est de proposer des moments de recherche, de travail à vue. Parce qu'effectivement, le magasin, actuellement, on est à 20 rue Honoré de Balzac. En face du Whisky Club. Juste en face du Whisky Club. Le ouais. Fameux Whisky Club, j'allais, c'est pas vrai. J'allais le dire, maman. En effet. Et avant, le précédent magasin était... plutôt au pied de marche, derrière Place Jean Jaurès. Et c'est une vitrine commerciale. Et donc, les artistes sont à vue, sur la rue. Et on peut facilement franchir la porte du magasin pour venir voir les artistes au travail. Mais aussi, en passant, on peut voir le travail artistique. À travers les vitres, du coup, c'est ça ? À travers les vitres, qui prend forme. Et comment trouver ces lieux de rendez-vous ? Enfin, ces moments de rendez-vous, je veux dire. Est-ce qu'il y a un site ? Oui, bien sûr. Il y a le site de la compagnie Héro. C'est compagniehero.fr où il y a, à l'intérieur, une page dédiée au magasin avec toute l'actualité. Parce que, comme je disais, les artistes sont invités aussi à partager, à faire des ouvertures de leur recherche, pas forcément dans le but de montrer quelque chose d'abouti, mais au contraire, vraiment de partager avec le public ces moments aussi de doute, de recherche, aussi pour avoir un regard extérieur sur ce qu'ils font. Et puis, au-delà de ces moments d'ouverture avec les artistes, le magasin propose aussi des activités régulières, comme les filons au magasin. C'est un rendez-vous philosophique une fois par mois avec le philosophe Christophe Welker. Et chaque mois, on propose une thématique autour du corps et de la philosophie. Nous proposons aussi des ateliers réguliers, des labos d'improvisation pour les enfants, le magasin en herbe et les grandes herbes pour les adultes. C'est là aussi une fois par mois, un samedi par mois. Le magasin en herbe, c'est de 10h à 12h30. Et les grandes herbes, c'est de 14h à 16h30. Voilà. Et puis, vu qu'on parlait aussi de danse, de fête, on propose également les baux Boom After Work. C'était, on a testé cela cette saison. L'idée, c'est d'inviter les gens vers 19h, en fin de journée, un vendredi, venir danser au magasin en toute liberté, de 19h à 22h. Et c'est vrai qu'on a eu une réponse positive du public, hein, c'est-à-dire que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui aiment bien danser, mais ils n'ont pas forcément envie de se retrouver à minuit en boîte. Et donc, ces principes marchent bien. Et c'est très chouette de voir les gens vraiment prendre le plaisir de danser de manière toute simple. Ouais, super. J'y suis pas encore allée, mais... On va vous proposer ça l'année prochaine. Donc, il y aura des occasions aussi. Ouais, je vais le noter dans l'agenda. Donc, 20 rue Honoré de Balzac, le magasin. Vous pouvez y débouler à peu près n'importe quand, si je comprends bien. Et puis, repérer sur... les vitrines, les horaires de rencontres avec les artistes qui sont en résidence. Oui. Et du coup, tu as une newsletter que tu diffuses. Il y a une newsletter une fois par mois. Donc, vous pouvez laisser votre adresse mail. Ça permet d'être au courant des activités du magasin. Oui. Et d'ailleurs, on est presque en fin de saison, mais il y a encore des événements. Notamment, demain soir, jeudi 26 juin, à 19h, il y a la deuxième rencontre de Corps Branche menée par Julie Debellis. Et le troisième et dernier rendez-vous, ce sera le jeudi 3 juillet. Et il y aura une performance dans la ville à partir de 19h30. Le départ, c'est du magasin et on finira au parc du Curieux. Et avec un petit apéro convivial. Et samedi 28 juin, c'est le dernier atelier pour le magasin en herbe et les grandes herbes. Donc, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore ces labos d'improvisation pour les enfants et les adultes, à venir découvrir ce qu'on propose et aussi récupérer les dates pour la prochaine saison pour pouvoir vous préinscrire. Et sinon, un petit save the date pour notre temps fort de fin d'été, notre festival Faire l'été. C'est un moment, c'est 3 jours, comme je disais, du 28 au 30 août. Un moment festif et convivial pour fêter la fin de l'été, tous ensemble. Alors, à propos de festif et de... d'été, vous reprendrez bien une petite dose de micro-terrasse, peut-être, non? Allez. Bon, monsieur. Stéphane. Bon, enchanté, Stéphane. Alors, pour les baladeuses, donc une émission mensuelle sur Radio Dio, on fait un spécial danse. Et voilà, j'ai quelques questions à vous poser. Par exemple, la première, ça serait, qu'est-ce que vous voudriez envoyer valser? Qu'est-ce que je voudrais envoyer valser? Les conventions. Ah, bien. Merci. Et avec qui voudriez-vous danser le tout dernier slow, celui avant la fin de la fête? Avec Antinéa. Antinéa. Antinéa. Elle a de la chance, Antinéa, de danser le dernier slow. Et pour vous, la danse est plutôt en solo, en couple ou à plusieurs? Les trois. Les trois, d'accord. Et c'était quand la dernière fois où vous êtes entré dans la danse? Hier soir. Hier soir, et vous êtes un danseur de quoi alors? Je ne suis pas trop spécialisé, mais apparemment j'ai le rythme dans le sang. Ah ouais, ouais, ok. Ouais. Et c'était une danse spéciale ou c'était non, juste c'était comme ça? Non, c'était entre rock, un peu rock. Ah dire. Ouais, rock. Ok. Bon, ben, merci beaucoup Stéphane, c'est sympa, vraiment. Je désespérais là. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Ah oui, c'est pas toujours simple de faire un micro-terrasse dans les rues de Saint-Étienne le matin. Le soir, je crois que c'est un peu la même chose. Difficile d'aborder les gens pour qu'ils prennent du temps pour quelque chose de complètement inattendu et d'improvisé. On continue avec Elisabetta. Et Elisabetta, ton parcours, qu'est-ce qui a fait qu'il t'a mené jusqu'à Saint-Étienne et jusqu'au magasin? À Saint-Étienne, je suis arrivée à Saint-Étienne en 2019. C'était plutôt pour des raisons personnelles. Et avant, j'habitais à Villeurbanne. J'étais arrivée à Villeurbanne en 2015. Mais comme vous pouvez l'entendre, je suis pas française. Donc, je suis italienne. Je me suis installée en région Auvergne-Rhône-Alpes justement en 2015. Et donc, en 2019, je suis arrivée à Saint-Étienne. Et j'ai commencé à travailler avec la compagnie ALS de la chorégraphe Cécile Lalloy en 2019. Et l'année d'après, en 2020, j'ai commencé à collaborer avec Mathieu Hérault. Et depuis 2023, je travaille aussi donc, au magasin. Donc, le magasin est arrivé un peu tout naturellement. Du moment où j'ai arrêté ma collaboration avec la compagnie ALS, et je me suis dit ce serait chouette de pouvoir suivre cet autre projet de la compagnie Hero qui fait partie de l'ADN de la compagnie. Oui, et du coup, tu as toujours été coordinatrice comme ça de compagnie Avec la compagnie ALS, j'étais chargée de diffusion et de communication. Et avant cela, j'avais collaboré avec une autre compagnie à Lyon où c'était plutôt effectivement de la communication, de la diffusion toujours. Même en Italie, c'était plus ou moins ça. La coordination est venue avec le magasin parce qu'en ayant un lieu, c'était naturel de faire cela. Bien sûr, et c'est nécessaire, vu le nombre d'activités qu'il y a en magasin depuis des années maintenant à Saint-Étienne. Mm-hmm. C'est impressionnant et on a une grande chance d'avoir ce lieu ici. D'accord, donc tu as toujours été en fait dans le milieu, entre guillemets. Oui, on peut dire ça. Même si, comment dire, j'ai vécu la danse, oui, professionnellement, en tant que spectatrice. J'ai eu aussi un peu de pratique amateur à un moment. D'accord, et c'était quel style de danse ? C'est de la danse contemporaine. Ah, ok. Oui. Toujours de la... Bon, si, je ne sais pas si c'est... je ne mettrai pas dans mon CV de danseuse, mais j'ai fait un an de danse classique quand j'avais 5 ans. Mais c'était assez catastrophique comme expérience. Ah oui. Oui, mais parce que, voilà, c'était aussi les années 90, mais avec une idée bien spécifique de ce qui est la danse. Et de ce qui est aussi le corps de la danseuse, même si j'étais qu'une enfant, mais voilà. Ça a beaucoup évolué, c'est vrai. Hein. Heureusement. Ouais. Peut-être c'est l'occasion, Isabetta, que tu testes avec nous notre danse radio guidée du jour. Ok. On est parti. Danse radio guidée. Alors aujourd'hui, dans notre danse radio guidée du jour, j'aimerais vous proposer de traverser votre propre mort. Alors c'est une proposition qui n'est pas de moi, qui vient d'un grand projet qui s'appelle le Body Cartography Project, qui est un ensemble de pratiques par lesquelles Olive Bieringa et son partenaire, le danseur nord-américain Otto Ramstadt, se proposent de donner à sentir des mouvements rares et notamment à travers des dispositifs d'accompagnement somatique assez similaire à ce que nous avons expérimenté à Radio Dio. Rappelez-vous, la petite danse de Steve Paxton, notre ref absolu. Voilà, c'est aussi une danse radio guidée que vous pouvez retrouver dans le très beau mouvementement de la chercheuse en danse Emma Biget. Alors, c'est parti pour notre décomposition à ciel ouvert. Je t'invite à trouver un lieu de repos, un lieu où tu ne seras pas interrompu dans les 30 prochaines minutes. Ce peut être sur le sol, dans un coin, dehors sur un rocher ou sur un arbre, dans ta voiture. Tu peux t'allonger ou t'asseoir, cela n'a pas besoin d'être confortable. Respire. Prends un temps pour recevoir le lieu où tu te trouves, l'atmosphère, les détails, les formes, les couleurs, les odeurs. Et on commence. Dans les premières heures après ta mort, ton corps, vu du dehors, paraît inchangé. Mais à l'intérieur, tout change. Ton corps commence à refroidir immédiatement. Il n'y a plus de fluide en mouvement pour générer de la chaleur. C'est algor mortis. Ta température corporelle chute de 2 degrés par heure jusqu'à prendre la même température que l'environnement. Ton corps est une démonstration de la seconde loi de la thermodynamique. Ton sang commence à coaguler. Suivant la loi de la gravité, il tombe en direction du sol. Il se dépose dans les cellules qui sont à son contact. Livor mortis. Les surfaces les plus hautes de ton corps perdent de leur couleur, tandis que les surfaces les plus proches du sol deviennent de plus en plus foncées. Elles se gorgent de sang. Le dépôt, la coagulation du sang, prennent environ 8 heures jusqu'à l'immobilité. Entre 2 et 4 heures après ta mort, pendant le refroidissement et l'abandon à la gravité, tes muscles se raidissent. Tes cellules musculaires cessent de recevoir de l'oxygène. Le calcium s'accumule dans les tissus de tes muscles parce qu'ils ne peuvent plus l'excréter. C'est cet excès de calcium qui fait se raidir ton corps. D'abord tes muscles les plus petits, les muscles de ton visage, autour de tes yeux, de ta mâchoire, de ta bouche. Puis les muscles plus gros. Ton corps, ton cœur, est un de ces muscles qui se raidissent, qui cessent de pomper le sang, qui cessent de transporter l'oxygène. La tension s'accumule à l'intérieur de ton corps pendant des heures et des heures. Puis un pic est atteint après 12 heures. Tes muscles se relâchent et leur tissu commence à se décomposer. Ton corps se détend et cède à la gravité et à la décomposition. Ta peau continue de changer de couleur. Elle passe de gris à vert, à brun. Elle se marbre à mesure que de nombreux gaz passent à travers tes vaisseaux sanguins. Des mouches sont attirées par ton corps. Elles y prennent place et trouvent des recoins où déposer leurs œufs. Ton corps devient une nurserie pour enfants mouches. Tes orifices, ta bouche, ton anus, tes narines constituent des foyers humides qui permettront à leurs vermisseaux d'éclore. Et dès qu'ils sortent de leurs œufs, ils se mettent au travail, ils mangent et contribuent à décomposer les tissus de ton corps. Tu commences à enfler et à sentir fort. C'est la putréfaction. Les micro-organismes qui vivent dans tes intestins décomposent les cellules mortes et mourantes qui s'y trouvent. Deux de ces organismes, Clostridium et coliforme, envahissent d'autres parties de ton corps et décomposent les cellules mortes qu'elles y trouvent. Les enzymes et les composés chimiques qui en résultent contribuent à la décomposition du reste de ton corps. Ton pancréas se digère lui-même. La mort de tes cellules ricoche sur la décomposition de tes tissus et la mort de ton microbiome. Toutes les bactéries, champignons et protozoaires qui vivaient en symbiose avec toi. Toutes ces morts libèrent des gaz. Ton corps enfle, ta peau se boursouffle et s'emplit de fluide. Les gaz te font gonfler, poussent contre les limites de ton corps, ton ventre, ta langue, tes yeux, tout cherche à sortir de toi. Ta peau commence à glisser, tes cheveux commencent à tomber. Les asticots mangent ce qui les intéresse et laissent tes os de plus en plus exposés aux éléments. Tu es dehors. Quand ils sont repus, ils s'éloignent. D'autres insectes se joignent à la partie. Des mouches, des scarabées, des blattes, des fourmis, des guêpes qui mangent et décomposent les tissus. Les os de ton squelette brillent d'être encore recouverts des graisses qui n'ont pas été consommées par les animaux. D'autres charognards viendront nettoyer ce dont les insectes n'ont pas voulu. Des champignons, des escargots, des rats, des furets, des chats sauvages, des hérissons, des mouettes, des busards, des vécas et même peut-être des poules sauvages. Ton squelette finit par être totalement exposé, propre, sans aucune trace de tes autres tissus. Après un certain temps, tes os s'assèchent. Ils blanchissent au soleil. ils s'écaillent et se dissolvent quand les pluies sont fortes. Parfois, les charognards reviennent les fouiller et les cassent. Finalement, tes os eux-mêmes se décomposent et disparaissent dans la terre. Plus il y a d'humidité, plus le processus est rapide. Si tu es morte ou mort sous un climat sec, cela peut prendre des milliers d'années. Et puis, quand tu te sentiras prêt et prête à émerger, sens tes cellules reprendre forme, respirer. Tu commences à bouger, à retrouver le lieu où tu te trouves. Tu peux tranquillement ouvrir les yeux et laisser la lumière rentrer. Il est possible que ça prenne du temps. Viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Merci pour cette danse de la vie, Julie. Alors, on est toujours avec Elisabetta, mais Elisabetta a beaucoup de choses à faire et doit nous quitter. Donc, on en profite pour lui dire au revoir et grand merci. Au revoir, hein. Merci à vous pour cette belle proposition. Et peut-être n'oubliez pas d'aller pousser la porte du magasin, oui. Comme on le répète beaucoup. Mais vraiment, il faut oser pousser la porte. Vous ferez des belles rencontres et des belles surprises. Je serai là. Mon bureau est là, donc je serai là tous les jours. Et peut-être à bientôt pour ceux qui viendront au Corps Branche et au festival Faire l'été avec Elisabetta et Mathieu Hérault. Merci Elisabetta. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Et on continue avec notre dernière micro, notre dernier micro-terrasse, la petite pépite d'Ulrich. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Ulrich. Ulrich, enchantée Ulrich. Alors voilà pour l'émission de radio qui s'appelle Les Baladeuses sur radiodio.org ou 89.5. Et bien voilà, je pose quelques questions sur la danse. Alors quand est-ce que la dernière fois que tu as dansé, c'était quand ça ? Il y a 2 semaines à peu près. Oh, il y a pas longtemps alors. Et c'était quoi comme danse ? C'était de l'afro. D'accord. Et tu danses tout seul ou tu danses à plusieurs ? Bah, je peux danser avec mes sœurs ou toute seule. Ah ou ouais, tout seul, ouais, ok. Ça te gêne pas de danser seul? T'aimes ça? Ça va. Ouais, ça va. Et s'il y a quelque chose que tu aimerais envoyer valser, ça serait quoi? Tu connais l'expression envoyer valser quelque chose? Non. Tu connais la valse, ce que c'est comme danse? Oui. Tu vois, on tourne comme ça, voilà. Un rythme à 3 temps. Et quand on dit envoyer valser quelque chose, c'est s'en débarrasser. Tu vois, c'est le jeter. Donc, c'est au figuré, tu vois. Pas au pied de la lettre, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais envoyer valser ? L'école. Ah, l'école, ok. Bravo. Ouais, mais là, c'est fini, là. Ça y est, c'est les vacances presque. Mmh. T'es en quelle classe? Je suis en sixième. Sixième, ah oui. Bon, alors déjà, t'as pas d'examen. Hein. T'es tranquille, là. Ok, et eh ben, tu vois, voilà, c'était ça. Mais mes questions, okay. Une dernière, si tu veux bien. Est-ce que tu penses à quelqu'un avec qui tu aimerais bien danser le dernier slow de la fête? Le tout dernier slow. Avec ma maman qui est partie. Ah, ok. Elle s'appelle comment ta maman? Elle s'appelle Jeanne. Jeanne. D'accord. Elle nous a quittés il y a 3 mois. Ok. Ah, je crois. Elle aimait beaucoup danser ta maman. Ouais. C'est pour ça que je fais de la danse un peu. Ok, ouais. Ouais, c'est souvent comme ça la danse. Hein. On reprend ce que les autres nous ont laissé et on continue. Ouais. C'est dur, mais on n'a pas le choix, quoi. Mais ça va passer sur quelle radio? Radio Duo. Oh. Mercredi, là. C'est mercredi? Alors, pas hier, hein, mais la semaine prochaine, mercredi 25, entre 10h et 11h30. C'est-à-dire que je pourrais m'entendre? Oui, tu vas pouvoir t'entendre. Ouais. Sur quelle chaîne? 89.5. Sur la radio, hein, ou sinon en direct sur internet, tu fais radiodio.org et tu vas trouver le direct. D'accord. D'accord. T'as pas cours là? Non. Non, puis ça sera le brevet en plus. Oui, mais moi je le passe pas du coup. Oui, c'est ça, ouais. Tu seras chez toi. Et je suis en vacances lundi prochain, moi. Ah, ben c'est bon, mercredi. Voilà, entre 10h et 11h30. Merci Ulrich pour cette belle leçon de vie. T'as pas vu ma baladeuse? Les baladeuses? C'est le 4e mercredi du mois, de 10h à 11h30. Vous êtes toujours sur Les Baladeuses, c'est notre dernière avant l'été. Et avant de passer au dernier épisode de notre feuilleton radiophonique, et oui déjà, je vous propose une petite chronique qui s'appelle Danser la disparition. L'histoire de ma recherche commence par démarche dans le monde d'après. Un monde d'après qui ne ressemble en rien à celui espéré, attendu. Monde étrange et plein d'incohérences. Monde d'après fragile dans l'urgence des crises sanitaires, économiques, culturelles, écologiques, sociales. Démarche donc qui petit à petit vient nourrir ma pratique de danseuse. Démarche solitaire souvent, mais pas toujours. Démarche qui arpente le massif du Pilat par n'importe quel temps. Ma recherche raconte comment une danseuse marche pour pallier les dates qui s'annulent et se reportent dans ce monde encore épidémique. Démarche qui cueille, démarche qui observe, démarche qui se séquence et s'entrecoupe de pauses pour apprendre à voir. Petit à petit, démarche, petites et grandes, qui sont des temps de production de matériaux divers, dessins, protocoles, poèmes à danser, photos, herbiers, tisanes, collections de cailloux, de branches, etc. Ces marches qui m'amènent enfin à comprendre que je cherche à danser, que je cherche un autre chemin pour une autre danse. Alors, comment danser ça? La forêt. Comment conserver la forêt dans mon corps? Comment la garder incorporée pour la ramener en zone urbaine? Comment faire trace? Comment raconter par le corps mon expérience, somme toute très intime, de relation à la forêt? Mettre en danse la sensation d'ouverture dans mon plexus lorsqu'une biche m'observe? Mettre en danse l'expérience de coupure au-dedans face aux hectares de coupe rase? Mettre en danse ce qui se joue quand je suis face à un arbre figé, attendant le geste juste? Comment danser ça, cette diversité de relations? Ces relations dont parle beaucoup ce monde d'après qui semble entrevoir enfin le sens des mots de David Abraham comme un aphorisme, les humains sont faits pour la relation. Reprenons le fil des marches qui sont de plus en plus informées. Identification des GR, des essences, des espèces, des marches qui se mettent à prendre une forme militante. La hêtraie sapinière du Pilat est amenée à disparaître. Urgence donc à danser ça. Comment danser la disparition du hêtre, celui de la hêtraie sapinière du Pilat? et puis plus globalement, le être commun de nos forêts européennes. Une nécessité de danser dans l'urgence de la crise climatique et des scénarios possibles. Danser la transformation, la mutation aussi de certaines espèces. Danser l'extinction. Enfin, danser la disparition. Danser ce scénario possible, mutation, disparition, extinction. L'histoire de ma recherche est située dans le massif du Pilat et multi-située car on parle bien de crise écologique mondiale. C'est une recherche hybride et transdisciplinaire. Elle traverse les champs des études en danse, de l'écologie, de la sociologie, invitant tantôt une perspective politique, tantôt artistique. Une recherche dans le champ des études en danse qui implique par conséquent le terrain du sensible. Mais qu'est-ce que c'est ces danses plus qu'humaines? Qui danse? Pour qui? Où? Imaginez des manières de capter, conserver, stocker ces sensations, ces mémoires de danse, de la même manière que la poésie d'Hélène Dorion donne à sentir ses forêts, par exemple. Ce champ de la fiction s'est révélé au fil des recherches sans que je l'encourage. La fiction, telle que Donna Haraway peut la concevoir, devient un outil qui permet d'ouvrir d'autres possibles. Elle permet de me déplacer, de me décentrer autour de mes premières interrogations et même de déplacer ces questionnements. Car l'imaginaire devient un outil puissant pour revisiter ce qu'on pensait connaître, comme une invite à fabriquer des liens. La fiction comme moyen de mobiliser l'imaginaire d'après des recherches qui font dialoguer les sciences humaines avec l'histoire des sciences et la biologie. Entre les chiffres et les rapports qui disent l'urgence, les concepts qui organisent et pensent notre contemporanéité, frayer une place au sensible, à la poésie du corps et de la relation. Cyril Dion rappelle notre nature fabulatrice. Le rôle de l'imagination dans l'histoire de l'humanité et celui des artistes pour inventer des possibles et des nouveaux récits. Rappel aussi chez Guattari du récit comme une des formes les plus anciennes de communication. Fabriquer d'autres récits pour nous amener à repenser le monde. Que se passe-t-il si tout d'un coup je cesse l'écriture pour penser à ma transformation en arbre ? Si je joue à mon devenir arbre, en corps, en mots, quel est ce corps en recherche, ce corps recherche qui invente une danse prophétique, qui danse ce que les yeux ne voient pas? Et toujours, comment danser ça, ce que les yeux ne voient pas? J'écris dans la perspective d'explorer le champ relationnel entre l'humain et l'arbre, par mon corps. Et peut-être que cette exploration se nomme danse. La boom party dans les studios de Radio Dio qui se sont transformés en dance floor. Et vous êtes toujours avec les baladeuses. Alors Juliette. Et ça danse partout. Merci à Anne qui est parmi nous et qui nous a été d'une grande aide pendant le petit moment d'inquiétude avant de lancer l'émission. Et oui, on a une nouvelle console et donc du coup on avait oublié avec Juliette dans notre euphorie de vous retrouver pour notre dernière. D'allumer la prise. Eh oui, il y a un interrupteur général en fait, c'est bien fait. Hein, voilà, alors merci Julie aussi pour danser la forêt, danser la disparition. Et on retrouve maintenant notre dernier épisode de Je n'en ai pas fini avec la mort. On retrouve JP, Rosette, Léo, Péné et Armand dans cette nuit folle où ils veillent pour une dernière nuit la disparition de Maddy. On retrouvera peut-être ces personnes, ces personnages dans une nouvelle fiction radio. Ouais. Encore faut-il l'écrire et la réaliser. Peut-être en janvier 2026, mais je vous en dirai plus plus tard. Pas fini. Je n'en ai pas fini avec la mort. Thriller de l'intime. Un texte de Juliette Bargès. Sixième épisode. Depuis un mois à peu près, Maddy n'allait vraiment pas bien. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu. On s'appelait régulièrement, mais au téléphone, c'est dur de se rendre compte. Il devait y avoir des indices, des signes. J'aurais dû m'en apercevoir. Mais tu n'es pas sans savoir que nous étions divorcés. On se voyait de temps en temps, mais sans aucune régularité, alors... Nos derniers vendredis n'étaient qu'une formalité et elle était devenue très renfermée en elle-même. C'est tout ce que j'avais remarqué. Je voulais croire que c'était passager. Ce mois de juin, elle ne venait plus à notre cours de gym, prétextant trop de travail. Pourtant, c'est la période la moins chargée pour notre service. Rien à voir avec décembre-janvier. Je l'appelais quasiment tous les jours, ou un jour sur deux. Je me suis aperçue de rien, nada, c'est dingue. C'est pas possible. Vous n'avez rien voulu vous rendre compte, oui? Tout occupé à l'utiliser comme déversoir de vous-même. Vous voyez d'elle que ce que vous vouliez bien voir. Depuis un mois environ, elle ne voulait plus que nous nous retrouvions en ville comme nous en avions pris l'habitude. Plus de cinéma, plus de quoi boire dans un bar. Seulement manger un morceau sur la table de la cuisine. Un soir, il y a quoi? Une dizaine de jours? C'était mercredi dernier. Je suis arrivée plus tôt que prévu. Elle tenait à peine sur ses jambes. Je me suis demandé si elle avait bu. Elle s'est accrochée à moi un moment. Elle tremblait, avait du mal à respirer, serrait mes mains si fort qu'elles étaient toutes blanches. Elle regarde ses mains. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai eu peur un moment en me disant que peut-être elle était en train de faire une attaque. Et puis, j'ai compris. Enfin, je crois. Elle avait quelque chose à dire qui était si douloureux que cela la mettait dans cet état. Je l'ai assise à la table de la cuisine et je me suis installée en face d'elle, sans lui lâcher les mains. Elle essayait d'articuler quelque chose, mais c'était si difficile que les sons avaient du mal à sortir de sa gorge. Elle essayait juste de parler, de me dire quelque chose qui lui broyait l'intérieur, la dévorait vivante. Je soutenais son regard pour lui donner toute la force que je pouvais, sans un mot, respirer avec elle au même moment qu'elle, laisser le bloc de silence remonter des tréfonds, sans tout arracher au passage. Je ne l'avais jamais vue comme ça. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Vivante. Minuit. Mais elle m'avait appelé ce lundi, vers 10h du matin. C'était assez étrange comme appel. Jamais elle ne m'appelait comme ça en journée. Je n'ai pas vu l'appel avant midi. Elle avait laissé un message, enfin... Si on peut appeler ça un message. J'ai cru au départ que le réseau fonctionnait mal, cela coupait par moments. Mais en réécoutant, je me suis rendu compte que c'était sa voix qui s'arrêtait et reprenait. Qu'est-ce qu'elle disait? C'est quand qu'on se voit. C'est tout? Oui, j'ai essayé de la rappeler, mais sans succès. J'ai quitté le travail à 17h, je suis venu directement ici, à l'intérieur de la maison, toutes les lumières étaient allumées et tout. En plein jour? Bizarrement, sur la pelouse, à peu près à l'endroit où nous sommes maintenant. Et tout autour, il y avait des objets, beaucoup d'objets, comme s'ils avaient été jetés dehors par les fenêtres. Certains n'avaient pas résisté au choc. Tasses, assiettes, bibelots, tableaux, lampes, casseroles. J'ai commencé à les rassembler. Au lieu de rentrer à toute vitesse à l'intérieur. Pourquoi me suis-je arrêté? Pourquoi ramasser une vieille tasse fendue, un tableau crevé? Peut-être que si j'étais rentré plus vite, peut-être que si j'étais venu tout de suite à midi... Mais c'est au pas lieu de ta de... faute. Tu as fait ce que tu as pu. C'était sûrement trop tard de toute façon. J'ai rassemblé quelques objets et puis j'ai tout lâché d'un coup, courant à l'intérieur. J'ai parcouru toutes les pièces avant de la trouver, toutes. Mais j'ai déjà raconté tout ça une dizaine de fois. Moi, je t'avais pas entendu. Je savais juste que c'était toi qui l'avais trouvé. Mais pourquoi je me suis jeté sur les choses? Qu'est-ce que ça pouvait bien faire? Tout jeté par la fenêtre. Il n'y avait pas mort d'homme. Dans certaines situations inhabituelles, on peut réagir de manière inattendue. Merci, Léo. Eh bien, il y avait mort de femme. Moi qui l'avais appelée dimanche. Elle t'avait parlé normalement? En fait, en y repensant, je crois que c'est moi qui ai beaucoup parlé. Elle me disait oui, elle me disait non. J'ai cru qu'elle était juste fatiguée. Je l'avais appelée un peu tard et... Ce qui veut dire qu'entre mercredi où je suis allée la voir et dimanche, Maddy n'a reçu que ton appel, Jessie, et aucune visite. Moi aussi, je m'en veux. Pourquoi n'y suis-je pas retournée? Pourquoi ne l'ai-je pas appelée? Hé, les amis, hein, vous êtes coincés dans une vis sans fin. Vous allez serrer et tous vous étouffer de remords. Ouais, merci, Penny, t'as raison. Il faut qu'on arrête. Faut dire que cette maison... Chargée, n'est-ce pas? Mais pourquoi retourner y vivre? Quand on s'est séparés, Maddy a préféré continuer d'habiter la maison. On s'y est installé après la mort des parents. Léo n'en voulait pas. On a fait quelques améliorations. C'était commode. Pour tout le monde. Mais vous auriez dû la vendre. Avec tout ce qui s'est passé, c'est impossible d'y vivre sereinement. On a pensé qu'on la neutraliserait. Mais non, elle a gagné. Papa, c'est moi qui suis censée être folle. Alors arrête de dire des choses pareilles, d'accord? N'empêche. Il faut dire que cette maison... Ah, une comète, là, juste à 12 heures. Mesdames, messieurs, faites vos vœux. C'est parti. Insomnie partie, deuxième phase. Ils regardent le ciel et s'indiquent les uns aux autres de la main tendue. Étoiles et comètes. Dimanche 8 avril. 9 mois après les funérailles, certains s'affairent dans la cuisine, tandis que d'autres dressent la table dans le jardin. Des colonnes de carton recouvrent la pelouse. Et ce saladier, quelqu'un le veut? J'ai pris quelques verres, mais il en reste encore à emballer. On finira tout à l'heure, non? J'en ai marre, là. Et ça fait faim. Il fait chaud pour un mois d'avril. Aujourd'hui, ça va être mon premier repas à l'extérieur. Comme c'est bon. Au fait, JP, je suis pas sûre d'être d'accord avec toi. Ça m'aurait étonné aussi. C'est pas un peu fini, vous deux? On plaisante, c'est tout. Eh bien, ça change que vous ne partiez plus au quart de tour ni l'un ni l'autre. Tu peux me passer la bouteille? Tu peux me passer la bouteille? Ah, mais parce que tu bois maintenant? Ah, seulement en de spéciales occasions. Et c'en est une. Je rappelle, dernière fois qu'on se retrouve dans ce jardin. Dernière fois que l'on se retrouve ici, tout court. Ah, merci, merci. Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus. Levons nos verres à toutes les dernières fois. Et aux premières fois à venir. Oui, on n'a pas dit notre dernier mot. Pas encore. De quoi tu parlais, Jessie? Quand? Tout à l'heure, quand je suis sortie dans le jardin. Du lieu. Mais quel lieu? Dispersion, bah... Léo. Dispersion. Dessin dans le tissu de la poussière. Pfft, envolé, plus rien. Sinon, dans le creuset des mémoires. Et entre nous. De toute façon, c'est un peu tôt pour en parler, non? Je ne crois pas qu'il faille attendre trop longtemps pour autant. Cela fait plus de 8 mois. 9. Faisons-le avant l'été. C'était une idée comme ça, parce que je sais qu'elle aimait beaucoup l'endroit. Elle aimait beaucoup de choses, m'a dit. Ouais, Je me rappelle y être allée avec elle plusieurs fois. C'est calme, vert, reposant. Et on sait que ça ne bougera pas de sitôt. Parce qu'il y a la statue. Oui, c'est vrai. Ça compte que ça ne bouge pas. Comme si l'illusion de la permanence. Décidément, ça nous colle aux pattes. On s'embêterait moins si on était des termites. Pourquoi des termites ? Des chimpanzés, si tu veux. Les filles. Oui, je plaisante. Désolée. Protection maximale. Il y a aussi le grand champ. Depuis combien de temps n'y es-tu pas allée, Jessie ? Je sais pas. 4-5 ans. Ouais, je crois que c'est la dernière fois que je suis passée devant. Il n'y a plus de grand champ, Jessie. Il y a 3 maisons dans le grand champ, devenues début de lotissement. Et plus aucun arbre. Non. Adieu, cerisier. On devrait lui rendre un hommage à lui aussi. J'aimerais que ce soit déjà fini. Mais c'est presque fini, il reste plus que... Ah, les vers à se partager. Non, je voulais dire la dispersion. Mais quel terme, la dispersion. Ouais, ben, pour l'instant, il fera bien l'affaire. Et puis quand on aura un autre à nous proposer, on avisera. Trinquons une dernière fois ici. Penny ne vient pas ? Non, elle est d'astreinte. Elle n'a pas pu échanger sa journée. Mais elle est avec nous, en pensée. Elle aurait été là, on serait allé encore plus vite pour finir de débarrasser. Et Armand, des nouvelles ? Oui, cela va mieux. Il a eu une baisse de régime cet hiver et puis il s'est reparti. À la Armand. Il m'a aidé à vider toute la cave en mars. On a fait je ne sais combien de voyages à la déchetterie. Je crois qu'on a jeté aussi des affaires des arrière-grands-parents. Je n'ai pas pu m'empêcher de récupérer des choses, mais dans mon F2, faut limiter. Fallait voir comment c'était rempli à ras-bord. Quel boulot. Mais heureusement, c'est fini. Ça m'a fait du bien. Que ce soit fini ? De débarrasser. Place nette. Ah, l'illusion de la place nette. Le grand vide. Mon débarras. Oui, eh bien ça marche. À sa manière. Allez, salute tutti. Tous débarrassent en un tour de main, font disparaître table et chaises pendant que JP et les autres chantonnent. She was my north, my south, my east, my west, my working winkler, my sun, the rest, my noon, my midnight, my talk, my song, I for love lasts forever, I was one. Léo et Jessie ressortent de la cuisine avec les derniers cartons. Tout le monde les enlève de la pelouse. Rosette ferme à clé la porte de la maison, met les clés dans son sac à main. JP, Jessie et Léo la regardent depuis l'extrémité du jardin. Elle les rejoint à petits pas, très lentement. Ils partent. Sixième épisode de Je n'en ai pas fini avec la mort, thriller de l'intime de Juliette Bargès, enregistré le 15 décembre 2024 au Choc Théâtre à Saint-Étienne par Mohan Besson avec Alain Besset dans le rôle de JP, Dominique Chenet dans le rôle de Jessie, Sabrina Laure dans le rôle de Léo, Juliette Bargès dans le rôle de Péné, Yann Mercier dans le rôle d'Armand, Maude Thérillon dans le rôle de Rosette, Emily Weiss dans le rôle de Maddy. Didascali, Juliette Bargès. Mixage, Mohan Besson et Juliette Bargès. Musique, Mumbling Tom. Extrait du morceau Wave Goodbye. Et on peut retrouver l'ensemble de ces 6 épisodes sur mon site qui s'appelle Des Nouvelles des Vivants, tout attaché, .jimdaufry.com à la rubrique sonore Fiction Radio. La L'agenda des baladeuses. Bon, alors on avait dit attends, parce que jeudi, moi, je peux pas. Mercredi, moi, c'est vendredi. Non, mais pas le matin. Moi, non, bah, oui, 13h, ça va, mais pas avant 8h. Ah non, pas Louis. Je sais pas, on va voir. Bah, le théâtre, c'est trop. Il n'y avait pas une danse à voir. Et sinon, lundi soir, vous faites quoi? Alors, si vous ne savez pas quoi faire pendant l'été, il est l'heure de l'agenda des baladeuses. On est un petit peu en retard, mais c'était notre dernière. On avait moult choses à vous raconter. Je vais commencer avec un stage de théâtre et danse baroque avec la compagnie Parole en Acte. Il reste quelques places encore. Ça va se passer du 7 au 11 juillet et c'est pour les amateurs, les gens qui n'ont jamais fait de théâtre et de danse baroque, les comédiens, les comédiennes, chanteurs, chanteuses. Bref, musiciens, musiciennes, vraiment ouvert à tous. Et vous pouvez retrouver les informations sur le site de la compagnie Parole en Acte, www.compagnieparoleenacte.com. Et vraiment, je vous invite à nous rejoindre. J'encadrerai ce stage avec Gauthier Marchado. Et voilà, c'est notre deuxième édition. Et vraiment, c'est un temps d'immersion. Et c'est pas du tout ringard et encore moins poussiéreux. Alors Juliette, tu nous parles de l'agenda ? Oui, alors dès vendredi soir, on en avait parlé la dernière fois, notre dernière émission, il y a une scène ouverte à l'Estanco, donc juste en dessous les locaux de Radio Duo, au 10 rue Henri Dunant. Voilà, donc amener quelque chose à manger, à boire et à partager, que ce soit une chanson, que ce soit un poème, etc. Vendredi encore et samedi, au Théâtre du Verseau, il y a les projets de fin d'études des élèves du Conservatoire d'Art du Théâtre, voilà, qui présentent une dizaine de pièces, ça a l'air d'être assez énorme, de 10h à je ne sais plus quelle heure. C'est gratuit et c'est tout vendredi et tout samedi. Et également dimanche, la Laverie organise une grande fête au parc du Puy-Couriot, donc c'est les guinguettes en fait. Donc il y a à la fois spectacle et concert, ça commence à 14h30 et ça s'enchaîne jusqu'au bout de la nuit. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été. À vous tous et toutes, merci de nous suivre sur Radio Dio. À bientôt. À bientôt avec les baladeuses. On vous éclaire, on vous caresse le cerveau et le cœur. Vous écoutez les baladeuses.